Moshe Suta Bajam Sige. Comme on faut dans pas manger viande. L'hypocrisie sera cadavre. Bonjour, c'est le chauffé. Monsieur nous dit, nous filer pour à toi, nous avec cabane, moi t'en es ça. Expérience belle, papa applaudit. Si la femme te connaît ça, yo, en bas, yo, coup de ciseaux, ça y va, yo, ta peine nous grimpe. Montez, montez, Michel Pado. Demandez le bout qui est raison. Réjouis-moi, t'as content. C'est sentiment.